Bonjour monsieur, je vais prendre le pariscope. C'est combien ? 40 centimes monsieur. Voilà. Vous n'avez pas la monnaie ? Non, je suis désolé, je n'ai qu'un billet de 20 euros.